Bienvenue du Henla TV. Je veux parler aux lignes des hydrogènes installés dans l'Allemagne. Il pourra confier des 3 milliards d'euros pour s'installer le hydrogène en place. Le hydrogène infrastructure, c'est ça une plainte de la commission de l'EU. L'EU, c'est ça bien d'avoir révisionné le financier contraire en face d'une manière contre le hydrogène, c'est s'il installe dans l'Allemagne avec l'argent de la Commission européenne. Mais une autre fois, il pourra dire que ce n'est pas très une manière législative. L'allemand banque KfW pourra donner un crédit pour installer la ligne du hydrogène. L'Allemagne et beaucoup de lignes de la hydrogène, mais ces nouveaux lignes faudra financer en coupe de fer. C'est une bonne chance pour l'Allemagne pour regagner le reste de pour le bien de dire, donner le capier de surfalir Kaftechur. Churon s'affrit face au lourd panier, le cours fallier le 80% en passe au lourd. L'Orten en face le ministre des Finances, Robert Habeck a dit que troisième de 50% c'est hydrogène, c'est soirée en suivant. Le reste, il peut remporter comme ça aux lignes européenne. Pour se signer, il pourra donner 22 milliards d'euros, comme dira le FNB, c'est ça une communauté nationale. La ligne faudra s'installer les industries avec les factures et les arbres et un silo parcours.